Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue au Lobster 34.0. Quelle belle semaine de relâche. Il n'a pas fait trop froid, le soleil était au rendez-vous. La température se réchauffe un peu partout. Ce samedi, on tourne autour de moins 5 à l'île Perrot. De mon côté, pour la semaine de relâche, je suis allé passer 4 jours au chalet où la neige était au rendez-vous. Même un peu trop au rendez-vous. Marcher en raquette dans la forêt était difficile à certains endroits. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez passé une belle semaine de relâche. On commence en musique pour poursuivre sur ce mood relax. Mood relax, bien sûr, pour ceux qui ne travaillaient pas. Pour les autres, ne lâchez pas, votre tour viendra sûrement, je l'espère, au cours de l'été. Donc, au retour, je vous parle de ma semaine de relâche. Ma semaine de relâche. J'ai vraiment pu m'amuser cette semaine. Je suis descendu au chalet au Saguenay samedi et il faisait beau. Le parc des Laurentides était souriant et il n'y avait aucune mauvaise surprise à me réserver. Arrivé à Chicoutimi, première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir la dame qui vend des BD usagés. Elle m'a évidemment reconnu et m'a dit que les BD étaient 50 sous pour moi, vu que j'en avais acheté beaucoup la dernière fois. Donc j'en ai ramassé une boîte et en jasant, elle m'a proposé de repasser, qu'elle pouvait m'en trouver encore plus. Je lui ai donc dit que je repasserais avant de repartir pour Montréal. Donc ensuite, je me suis rendu au chalet où j'ai retrouvé mes parents et mon frère qui étaient là avec son petit garçon. Je lui avais amené une immense poche qui contenait des blocs Lego. La poche me montait aux hanches. C'est tous les blocs Lego que moi j'avais reçus, que mes garçons avaient reçus, que mon frère avait reçus, donc une accumulation de plusieurs années de Lego qui vient de rechanger de main. C'est maintenant au tour de son petit garçon de jouer avec. Évidemment, on a tous joué avec au chalet. On a beau être grand, c'est toujours le fun de faire des Lego, surtout qu'on a beaucoup de roues pour faire des véhicules. Mes garçons en avaient acheté pas mal à la boutique Lego, donc on s'est gâtés. Sinon, durant la semaine, j'ai pu faire de la raquette. Il y a eu une ou deux journées où il tombait une belle neige. Dans la forêt, il y avait des tonnes de neige. Je me suis promené sur plein de montagnes. J'ai été voir un ancien camp que mon grand-père avait construit il y a environ 40 ans. La vue en hauteur sur la montagne était magnifique. Je vous mettrai quelques photos dans la page Facebook du Lobster pour vous montrer. Mais la neige, elle, ne portait pas bien partout. Sous les arbres, en fait, partout où le soleil ne se rendait pas, la neige n'était pas très bonne et je pouvais enfoncer jusqu'aux hanches. Donc, je suis resté dans mes chemins ou sur le lot de mon oncle en face de notre chalet. Lui, il s'y promène en skidoo, donc c'est un beau chemin pour se promener. En cours de semaine, mes parents et moi, on est allés au casino de Charlevoix. C'était très tranquille au casino, pas beaucoup de monde. On pouvait jouer pas mal sur toutes les machines qu'on voulait. Moi, j'avais pas pensé d'aller au guichet me chercher de l'argent avant d'aller au casino. J'ai donc joué seulement ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Et dès les premiers dollars, j'ai gagné. J'ai fait allumer une machine de Game of Thrones et gagné un premier 100$. Ensuite, j'ai regagné quelques lots sur d'autres machines, donc après environ une heure, j'avais déjà 130$ de gagné et j'ai donc arrêté de jouer. Je voulais conserver mon argent. Donc, une belle sortie au casino. On est resté environ 2 heures en tout. Durant la visite, j'ai aussi trouvé un porte-monnaie que quelqu'un avait oublié sur une machine. Il était plein d'argent. On l'a remis à un préposé qui, lui, est probablement parti faire la rumba avec l'argent. Événement plutôt bizarre durant ce voyage au casino, à un moment donné, durant la montée, une odeur délicieuse est apparue dans mon auto. Et ma mère et moi, on s'est aperçu que mon père était en train de manger une sandwich au Paris Pâté en arrière. C'est là qu'il nous a expliqué que quand il va au casino, il aime ça manger ce type de sandwich. Donc, il m'a fait goûter, c'est pas mauvais, mais c'est quand même une habitude bizarre. En revenant, encore une odeur de délice qui apparaît dans la voiture. Cette fois, il mangeait des petites saucisses viennoises. Ouf que c'était mauvais. C'est une genre de saucisse extra molle qui baigne dans l'eau, à éviter. Pendant la semaine, au chalet, mon père s'est fait plaisir à chauffer le poêle à bois. Lui, il aime ça et on a fini par avoir le chalet qui est proche de 30 degrés. On est comme à la plage sans avoir besoin de crème solaire. Et des fois, je dois sortir dehors pour prendre une pause de la plage où il fait trop chaud. J'ai aussi eu droit à des moments drôles avec ma maman. Des fois, elle nous mettait des émissions de variété à la télé, supposément bonnes, mais qu'elle-même n'écoutait pas. Et on s'apercevait par la suite, mon père et moi, qu'elle avait de la ouate dans les oreilles pour pas les entendre. Voici le genre de chansons qu'on devait se taper durant le spécial d'Alain Morisseau et Sweet People à TV5. T'as des ennuis, ça va mieux quand tu souris, chope la banane. Si t'as une trouille bleue, essaie un truc merveilleux, chope la banane. Souris, souris, ça fait la vie jolie, chope la banane. Chope la banane. Si t'as du chagrin, juste un sourire fait du bien. Chope la banane. Souris, souris, ça fait la vie jolie. Chope la banane. Si quelqu'un t'embête, pense à ton arme secrète. Chope la banane. Tout flappy, ça passera comme par magie. Chope la Pour les watts dans les oreilles, c'est vrai, mais c'était pas pour pas entendre les émissions. C'était pour mettre un médicament, je crois, pour ses oreilles qui étaient bouchées. Mais bon, on en a ri quand même. Ça nous prend pas grand-chose pour s'amuser. Et moi, ça me permet d'écouter des émissions que j'écouterais jamais chez moi. Ensuite, le mercredi, je suis remonté chez nous à Montréal, mais évidemment, je suis arrêté chez la vendeuse de BD. Elle en avait trouvé beaucoup, environ 150 nouvelles, toutes des nouvelles BD que les Biblis avaient retirées de leur tablette. J'en ai acheté un paquet. Finalement, ma voiture s'est remplie de boîtes et je suis reparti avec 120 nouvelles BD qui ne m'ont rien coûté, mes gains au casino étant supérieurs au coût des BD. Aussi, pendant que j'achetais toutes ces BD, un autre collectionneur est arrivé et il m'expliquait que les BD que j'achetais n'avaient plus de valeur car les BD qui viennent des Biblis sont toutes renforcées et solidifiées au moment de l'achat par les Biblis, donc ce ne sont plus des BD originales. Bon, moi j'achète les BD pour les lire, je collectionne pas vraiment l'objet en tant que tel, donc moi je suis 10 fois plus content d'acheter une BD qui vient d'une Biblie qui me coûte quasiment rien comparativement au prix d'achat neuf. Donc, je comprends pas trop la théorie de ce monsieur. Donc, sinon, une belle semaine de relâche. J'ai terminé la semaine en faisant de la poterie à la maison. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas joué dans l'argile. J'ai fait des genres de créatures fantaisistes qui vont avoir des cornes d'orignal et que je vais pouvoir couvrir de fourrure animale. Mais bon, pour l'instant, je les fais sécher avant de les cuire et de les colorer, car s'il reste une goutte d'eau dans les sculptures au moment de la cuisson, elles vont exploser quand l'eau va se mettre à bouillir. Donc, elles doivent être vraiment sèches. Voilà pour ma semaine de relâche. On écoute un peu de musique et au retour, je vous parle d'une bonne nouvelle sur la Corée du Nord. La demande spéciale de Martin. I wear a 36 long. What is my color? A little tight in the shoulder, but you know still fit me good. I wear a 36 long. What is my color? A little tight in the shoulder, but you know still fit me good. Anyone can see we're a perfect match. An innocent boy in a psychopath. A week's worth of dating and you talk about moving in. Friends would say to break the girl's heart, but I'm too afraid. Her clickbait body was a track to beat. She was a Tesla Model S with the ludicrous speed. The sex was good, but we always fight. I try to leave you sorry ass, but end up spending the night. Your sweetness, my weakness, you're mean, no ingenious. Nothing can come between us. Have you seen us? I've lost it, you're toxic. I botched this, I'm nauseous. Man, I gotta be out of my mind. I'm addicted to this heroin. You're Tonya Harding and I'm your Nancy Kerrigan. The boy brawn, I just wanted serenity, but you had to go testing me, gave me suicide tendencies. Your little games, your little games. You trick me into saying your blade is getting lame. From touching your sweet things to tracking your calls. Go from smacking your ass to punching those in the walls. Go from sending me fire news to eyeing up other dudes. From picking our favorite song to playlist and breaking to. We started so hard, now I can't hardly breathe. Go from weak in the knees to be too weak, I can't leave. You called it, it's all my fault, this I know. Guess I better, I'm dense, must be out of my mind. Be going crazy. Nouvelles de notre dictateur Kimichobi préféré. Quand je lis des choses sur le régime de la Corée du Nord, des fois je suis un peu découragé. Cet article que j'ai lu sur la presse en était un bon. Ça disait « Des millions de Nord-Coréens, y compris le dirigeant Kim Jong-un, se rendent aux urnes ce dimanche afin de manifester leur soutien aux quelques 700 membres qui composeront le Parlement. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah, bonne nouvelle, ils sont rendus qu'ils ont le droit de voter. » Mais j'ai continué à lire l'article jusqu'à la fin pour apprendre qu'ils ont le droit de voter, mais que sur leur bulletin de vote ne figure qu'un seul candidat par poste. Donc, tous les candidats sont déjà choisis et les gens ne font que confirmer leur appui au candidat. C'est bizarre un peu, ça donne comme rien d'aller voter si tu as juste le choix entre un candidat. L'article dit « Sans surprise, les candidats remportent habituellement avec un taux de 99% des voix, voire plus. » Mais c'est sûr, c'est 100%, t'as pas d'autre choix. Quand même. Ça dit aussi « En Corée du Nord, le droit de vote est vu comme un devoir et une responsabilité qui incombe à chaque citoyen. En d'autres mots, rester à la maison n'est pas une option. Donc, en plus de devoir voter pour le candidat choisi, c'est une obligation d'aller voter. Ils sont vraiment gâtés. » Selon Kimmy Chubby, cette journée est une occasion importante pour renforcer et réaffirmer le pouvoir de l'État, tout en démontrant la solidité et l'invincibilité du système socialiste au sein duquel le dirigeant, le parti et les masses forment un tout harmonieux. Un beau petit message du régime. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on fait en ce beau dimanche? Nous, on vote pas, non, on regarde plutôt tomber la neige. Alors qu'il faisait beau samedi, aujourd'hui dimanche, ben on attend un beau 20 cm de neige, suivi d'un réchauffement qui pourrait nous donner du verglas. Mais on se contente, ça devrait être dans les dernières tempêtes. Je roule vers mes couvertes pour rester réveillé. J'écoute les lignes ouvertes, les petits jokes connaissants et les vieilles broyardes. Qu'est-ce qu'il faut rien avoir à faire d'envie pour appeler à radio au milieu de la nuit? Ça me rassure, j'suis pas tout seul à avoir une vie de marde. Chanteur professionnel, au volant de ma Honda, je roule dans la nuit. Chanteur professionnel, jamais ben en tour du point zéro bit. J'baisse ma vitre pour que l'air rentre et me garde réveillé sur la 40. Et j'prie Dieu qu'il me fasse apparaître un Tim Horton. Mais là, je le regrette en tabarnak d'avoir dit non à la petite traque. La barmaid voulait que j'fasse avec elle dans les toilettes. Chanteur professionnel, mais pas membre de la guilde ni de l'UDA. Chanteur professionnel, payé en liquide, puis jamais de contrat. Le plus clair de mes fins de semaine, même quand ça voit pour une bande de clones qui mettraient tous la mélone. Chanteur professionnel, me coucher de bonheur, ça c'est pas mon fort. Chanteur professionnel, moi mon fort j'ai le bruit, puis je me couche toujours tard. Chanteur, je roule dans la nuit. Professionnel, retour point 08. Chanteur, j'ai hâte d'être dans mon lit. Professionnel. C'est pour qu'on passe tellement de temps à s'entraîner qu'on n'a plus le temps de les critiquer. Manger de la merde dans ce type crapule de politiciens qui nous manipulent. Avez-vous vu que j'ai pas de poignée dans le dos? Fait que vous me verrez pas, j'ai énergie cardio. Hey, fuck énergie cardio, moi je deviens gros, bien en chair, moi je vais vous coûter cher. Emmène-en des pontages payés par l'État. Hey, le contribuable, ça va te coûter un bras. La vie est trop courte pour faire du jogging. J'aime mieux fumer des bars en buvant des drinks. Moi au gym avec les douchebags. Énergie cardio, moi je deviens gros. Fuck les push-ups, vive le 7-up. Oh yeah. Moi quand j'entends ces hosties de crosseurs me conseiller d'aller faire des longueurs, j'suis pas niaiseux, j'vois clair dans leur jeu. Fait que vous allez pas me voir lever des haltères. Non, pas question que je me conforme à l'injonction de la mise en forme. Me verrai pas à l'entraînement, ça ferait bien trop plaisir au gouvernement. Hey, fuck énergie cardio, moi je deviens gros, ron ron ron, comme un petit cochon, ben évaché devant ma TV, avec du coke puis des acides de bonne smoke. Fuck énergie cardio, j'm'en calisse. Fuck énergie cardio, fuck la police. Fuck énergie cardio, fuck le système. Fuck énergie cardio, moi j'fais ce que j'aime. Fuck énergie cardio, fuck les performances. Fuck énergie cardio, vive les vacances. Fuck énergie cardio, 1, 2, 3, 4. Fuck énergie cardio, oui, pas de mon plan. Oui, j'pas de mon plan. Sur la rue des toits qui frise, y'a un gros pâté de maison. Des maisons boîte à surprise, du plancher jusqu'au plafond. Des maisons, des maisons, des maisons, boîte à surprise. Des maisons, des maisons, des maisons, boîte à surprise. Y'a une maison tout en miroir qui brille dans le noir. Y'a une maison en forme de poire qui roule sur le trottoir. Y'a une maison chapeau melon aux escaliers en tire-bouchon. Sur la rue des toits qui frise, y'a un gros pâté de maison. Des maisons boîte à surprise, du plancher jusqu'au plafond. Des maisons, des maisons, des maisons boîte à surprise. Des maisons, des maisons, des maisons boîte à surprise. J'ai beau avoir de grands enfants de 11 et 14 ans, hier soir on a écouté des épisodes de Passe-partout que j'enregistre. Mes gars en avaient pas encore écouté et on a ri, c'était un bon moment. Après avoir écouté les 3-4 épisodes que j'avais sur l'enregistreur, ils m'en ont demandé encore plus, comme quoi il n'y a pas d'âge pour les passe-partout. Maintenant, un peu de nouvelles de l'espace, un sujet que j'aime bien lire et qui fait rêver. C'est au sujet de SpaceX, cette compagnie là fondée par Elon Musk. La nouvelle qui date du 9 mars est la suivante. En démontrant qu'il pouvait envoyer des hommes dans l'espace et les ramener au sol en sécurité, SpaceX entre une nouvelle fois dans l'histoire avec un nouveau succès historique. Pour la première fois depuis juillet 2011, date de la dernière mission d'une navette, les États-Unis retrouvent la capacité à lancer des astronautes depuis le sol américain. Après une mission de 5 jours amarrée à la Station spatiale internationale, la Crew Dragon de SpaceX est redescendue sur Terre vendredi à 2h45 heure de Paris. La capsule a amerri sur l'océan Atlantique à 370 km au large de Cap Canaveral en Floride. Elle a été récupérée par le navire de récupération Ghost Searcher de la même manière que les astronautes des missions Apollo revenaient sur Terre. Et c'est ainsi que les prochains astronautes américains termineront leur future mission à bord de Crew Dragon. Les quatre immenses parachutes ont ralenti suffisamment la capsule pour qu'elle se pose en dessous en douceur sur l'océan. Avant l'ouverture des parachutes, le bouclier thermique a été mis à rude épreuve, mais comme montrent les premières images, il semble avoir correctement fait la job. En attendant l'analyse des données de vol, SpaceX semble donc avoir réussi son examen et démontré que le premier véhicule spatial habitable américain depuis les navettes est fiable et sûr pour les astronautes. Cependant, avant d'envoyer des humains à destination de l'ISS, la NASA et SpaceX ont encore du travail à faire pour valider les performances du système de transport de SpaceX. Après le travail de l'analyse des données de la mission, Les deux partenaires, qui ont œuvré de manière transparente, non seulement pour la préparation du vol, mais pour la gestion de celui-ci, ont un dernier test à réaliser, celui d'une démonstration en vol du système d'abandon de lancement. En seulement moins d'une semaine, cette mission a donc enregistré un certain nombre de premières qu'a listé la NASA. Premier système privé de lancement spatial habité américain à être construit et exploité commercialement depuis le sol américain pour des missions à destination de la station spatiale. Premier véhicule spatial habité américain à être construit et exploité commercialement à s'amarrer à la station spatiale internationale. Premier amarrage autonome d'un vaisseau spatial américain à la station spatiale internationale. Et première utilisation d'une nouvelle norme mondiale pour les adaptateurs d'amarrage reliant la station spatiale internationale au Crew Dragon. Il a donc fallu seulement quelques années à SpaceX pour développer et qualifier un véhicule spatial habité officiellement présenté en mai 2014. D'ici quelques années, l'Inde deviendra la quatrième puissance mondiale spatiale à envoyer des hommes dans l'espace, après les États-Unis, la Russie et la Chine, et pendant ce temps, SpaceX poursuivra ses affaires au-delà de la Station spatiale internationale et l'orbite basse. Comme le rappelle Elon Musk, le but fondamental de SpaceX est et a toujours été de créer la technologie nécessaire pour implanter la vie sur Mars. Donc, ce qu'il faut retenir de cet article, c'est que SpaceX a qualifié la capsule Crew Dragon pour le transport d'équipage et que la NASA les autorise à préparer un vol habité qui aura lieu cet été. Avec ce vol de démonstration et le succès du retour de la capsule Crew Dragon, SpaceX relance les vols habités américains et ouvre une nouvelle ère de l'exploration. En passant, parlant de voyage dans l'espace, j'ai vu que la saison 2 de Star Trek Discovery est sortie. Pour ceux qui suivent ça, il y a déjà 8 épisodes de sortie. and this one is called New Jack. On vient d'écouter deux chansons du groupe power metal symphonique autrichien Vision of Atlantis. Un groupe formé en 2000 alterne une voix de soprano et une voix masculine. On a écouté deux chansons de l'album The Deep in the Dark, sorti le 16 février 2018 et que je découvre avec vous aujourd'hui. La première chanson était The Grand Illusion et la seconde New Dawn. New Dawn, un nom qui dira peut-être de quoi à certains d'entre vous. Et oui, le dernier Far Cry, intitulé New Dawn, est sorti. Pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, les jeux dans cette franchise sont des jeux de tir à la première personne développés par Ubisoft Montréal et édités par Ubisoft. Le dernier opus est sorti le 15 février 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. J'avais déjà 6 ans la première fois que j'ai vu le soleil. La vie n'a pas été facile, mais pendant un temps, on a vécu en paix, à Prosperity. Mais c'était trop beau pour durer. Ici, c'est la loi du plus fort. Et les plus fortes ici... C'est nous. On a besoin de gens et de ressources. Et ce groupe au nord, sinon, le Nouvel Éden. Se lier au Nouvel Éden, c'est un pacte avec le diable. Après ce que j'ai fait et tout ce que nous avons traversé, vous venez me demander de l'aide. À moi. Vous devez vraiment être terrifié. À l'espoir. Cette nuit, on va bien s'éclater. C'est un jeu stand-alone qui reprend l'univers de Far Cry 51, le précédent. C'est le premier jeu à être une suite à l'un des précédents opus de la franchise. Ce jeu est pensé comme une suite post-apocalyptique à Far Cry 5, se situant 17 ans après les événements de ce dernier. Il met en scène des jumelles, Mickey et Lou, comme antagonistes principaux et axe son gameplay autour de la conquête de territoire. Le personnage de Joseph Seed, l'antagoniste principal du précédent Far Cry, apparaît de nouveau, cette fois en tant qu'allié. Moi, je ne l'ai pas essayé, mais il ne me reste qu'à l'installer et je pourrais vous en reparler. Ce n'est qu'une question de temps qui me manque pour l'essayer en ce moment. Je joue plutôt avec mon garçon à un grand classique. On joue à Minecraft de temps en temps ensemble sur la Xbox One. On vient tout juste de tuer le dragon de Lander et on explore les îles qui sont apparues. Pour moi, Minecraft est la version jeu de nos bons vieux Lego, donc oui, ça m'amuse encore. Voilà, donc déjà ma dernière intervention dans ce Lobster. Le temps passe vite, trop vite, j'ai pas vu la semaine de relâche passer, donc bonne semaine à vous tous. Une semaine qui va encore passer trop vite, on se reparle la semaine prochaine. On va se laisser avec la musique d'un autre album que je découvre avec vous, le groupe The Rhapsody of Fire avec l'album The Hate Mountain. Les seigneurs Perceval et Caradoc sont arrivés. Ah, bah c'est pas dommage. Et qu'est-ce qu'ils ramènent avec eux? Un coffre? Non. Mais quoi alors, des sacs remplis? Un prisonnier? Ah non plus, non. Mais enfin, ils reviennent pas les mains vides quand même, vous avez rien remarqué? Si, ils ont plus de chevaux. Alors là, sire, on en a des choses à vous raconter. Des aventures, plein la musette. Comment ça se fait que vous ayez plus de chevaux? Mais ils sont sauvés de l'auberge où on était. On les avait mal attachés. Mais attendez, on a un paquet de trucs à vous raconter d'abord. Bah, je pense bien depuis le temps qu'on vous a pas vu. Ouais, pour ainsi dire 3 semaines. Du coup, on sait pas bien par quoi commencer. Bah, commencez déjà par le titre, que je puisse calligraphier mon en-tête. Quel titre? Bah, le titre de la quête. Vous trouvez un titre un peu classe par rapport à ce que vous avez fait. Je sais pas, moi, le nom de l'ennemi que vous avez combattu, c'est quoi? Ah, mais on n'a pas combattu. Enfin, pas vraiment. Non, mais n'importe quoi, le trésor que vous avez ramené, un objet magique, il faut que ça fasse la quête du la-la-la. Oui, oui, voilà, oui. Moi, il me faut quelque chose. Et on peut pas mettre la quête des aventures de Perceval et Caradoc, la-la-la? Ouais, donc, vous avez pas de trésor, pas d'objet magique, et vous avez combattu personne, quoi. Ben, pas vraiment. En fait, le jour où on est parti, je sais pas si vous vous souvenez, il faisait bien gris. D'ailleurs, on avait pensé partir le lendemain pour éviter de prendre la flotte sur la tronche. Puis on s'est dit... Allez hop, merde! Le tout pour le tout. Et puis en fait, c'était menaçant. Mais bon, il est rien tombé. Là-dessus, on s'arrête à l'auberge des deux renards pour passer la nuit. L'auberge des deux renards, mais... C'est juste après la forêt, non? Attendez, vous faites à peine 2 lieues et vous vous arrêtez déjà pour pioncer? Je sens que ça va encore être épique. En fait, c'était pas tant pour dormir que pour manger. Je sais pas si c'était le grand air ou quoi, on s'était chopé une de ces fringales. Puis on trouvait ça dommage de taper dans les provisions alors qu'on était encore en zone civilisée. Sire, il y a un truc qui serait bien, ce serait qu'on passe directement à la partie action, vous voyez. Moi, je me débrouillerais toujours pour faire une jolie intro. Non, mais ça vient, ça vient. Si vous aimez l'action, vous allez pas être déçu. Hein. Ouais, de l'action à l'auberge des Dornards. Non, mais si, peut-être, pourquoi pas, laissez, attendez. On arrive là-dedans, il venait tuer l'agneau. Il y avait une bonne odeur de bidoche grillée dans la salle. Du coup, on se met à table avec les autres, on se commande une bonne assiette chacun, on commence à manger, et là, franchement, c'était bon. Ouais, c'était bon. Moi, en tout cas, j'ai vu que du feu. Pas d'odeur bizarre, rien. Mais, vous avez vu que du feu à quoi? Attendez, c'est là que ça devient intéressant. Avec un suspense pareil, ça serait malheureux. On a compté quoi? Une demi-heure? Même pas. Bon, allez, 20 minutes. Tout le monde s'est mis à gerber dans cette auberge. L'agneau était daubé du cul. Malade comme des chiens. Le lendemain, on tenait à peine debout. On était blancs comme des linges. Et puis? Après, on est resté à l'auberge 3 bonnes semaines. Parce que du coup, le taulier nous a fait un prix pour s'excuser du désagrément. Au bout d'une semaine seulement, on a pu avaler quelque chose sans tout rendre. Et encore, un petit bouillon de poireau à peine. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bah moi, je dis que j'ai pas fini de cogiter sur le titre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme aventure avec ça? Quand même, ça arrive pas tous les jours. Non mais, vous avez même pas sorti vos épées au moins une fois? Oh putain, les épées. Quoi? On les a oubliées là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on y retourne. On peut pas, on a plus de chevaux. Les bûcherons canadiens n'ont qu'à bien se tenir, les Français se mettent au lancer de haches, mais avec plus ou moins de réussite. Non, pas terrible, pas terrible. Non, c'est la première fois, mais il y a de bonnes sensations quand même. Bah, je suis pas bon, tout simplement. Oh, difficile, hein. Trop lourd, c'est trop lourd. Faudrait un petit truc en plastique, ça irait mieux, je pense. Le principe est simple, une hache, une cible située à 4 mètres, et comme aux fléchettes, il faut planter sa lame au plus près du centre et ainsi cumuler des points. Depuis une dizaine de minutes, Kevin et ses amis enchaînent les lancers. Certains font mouche, quand d'autres sont loin d'être de fines lames, un véritable défouloir. C'est exutoire, quoi. On se pose plus de questions, on y va. Comme j'ai un ego surdimensionné, je me sens fier. Beaucoup de fierté. Quand ça se plante, le moment où ça se plante, il y a un moment de flottement comme ça. Très agréable. C'est vraiment très compliqué. À chaque fois, à droite, à gauche, j'y arriverai jamais. Et pour réussir son jet, ce n'est pas qu'une question de force ou de gros biceps, mais surtout de technique. La hache, il faut la tenir comme un marteau. Donc c'est une prise marteau qu'il faut tenir vraiment au bout du manche. Ensuite, il faut venir armer à 90 degrés, voire un peu plus que 90 degrés. Et en fait, on va venir basculer le haut du corps et tendre le bras. Véritable sport national au Canada, le lancer de hache se développe un peu partout en France. Comptez 17 euros pour une heure de lancer. À vous ensuite de démontrer vos véritables talents de bûcheron.